Yo, first of all, jamais j'aurais gaspillé un fat beat pour ton ass, you know? So, that's it, man. You make un bootleg shit. Y'a pas d'inside pour personne en dehors de ça, right? C'est juste toi, man. Petit brin de pif, pis l'autre tic à marde. Ok, ok, pis des natural. Yo, ça c'est juste trop easy, man. Right? Premier extrait, DJ Maverick Mixtape. Reste vrai. www.bbt.fr.fm. I hate you. Big up à toutes les vraies mad rappers, man. Si t'as le mal à faire, fais le mal for real. Fais-le pas comme cette gay ass là, right? Start le joint. Yo, t'as l'air smart, le petit con, hein? T'as l'air smart en train de creuser ta fucking tongue, fucking bitch. Yo, qui te regarde, man? Fais ta job, man. Regarde-moi pas, fucking. Yo, fucking ass, man. Kill you, motherfucker. Fur, fucking bitch. Yeah, yeah. Yo, non, non, non, tombe pas dans les pommes, le petit fif, là. Attends, attends, attends. Je vais tout t'expliquer, là. Shut the fuck up, bitch. Come on, come on. Tu veux jouer les mad rappers, t'es juste un fat player. J'te pop, ya. Manque-toi pas au shot, ya. Tu vas dans la même des dollars. Faut que les gens savent à quel point c'est grave. Tu creuses ton grave, t'es juste un slave d'une page dans mon bump pour te écouter nice. Pense que you can come kill avec ton pain. Tu fronts ma femme, you're a groupie, a fan, little bitch. Hey yo, j'vais te faire understand. J'te ballon, juste pour la forme, j'suis même pas pissed off. En tournant, tu de la jupe à ta mom. Fake fuck, fake tough. C'est quoi ce type? Ton nom, c'est-tu brin? Ton plagié burn ton name. Check ta montre, t'es deux ans en retard. Tout le monde sait que tu step back pour du fame. Ton secteur t'es un shame. Now get out of my game. T'es juste la reine, la plus belle pour aller danser ce soir. Now dance fucking homo. Yo go to sleep bitch. La prochaine fois j'te vois à ta street, j'vais te fournir les trois sous pour ta belle. Yo go to sleep bitch. Tout le monde sait que tu fais de la chiasse. Puis tu chies de chieux parce que j'fourre ton ass. Yo go to sleep bitch. La prochaine fois j'te vois à ta street, j'vais te fournir les trois sous pour ta belle. Yo go to sleep bitch. Tout le monde sait que tu fais de la chiasse. Puis tu chies de chieux parce que j'fourre ton ass. Nerveux en battle qu'on dit natural. Honnêtement t'as juste l'air d'une tapette avec un adaptateur. Mais anormal, t'as c'est ça ton éloge funèbre. J'fais un corps de bord, t'es dead forever. Ton dormir sur ton barbac. Oublie pas de donner à manger à des pigeons. Un style de whack, mais whack que ça tu meurs. Mais whack comme ça il m'écoeure. Il mérite pas de vivre le fucking fucker. Tellement pas de gâte que t'as pas dans ton pocket. Est-ce que tu te faguettes? J'vais mettre une balle à ton jacket. Personne pleurait ta face là. Pis ton chum, l'autre tu crises un peu fishy trash. Avec tes tennisseuses, mais elle est là pour faire la craque. À vous deux, vous êtes toutes belles bitches à quatre pattes, roseaux aux quatre coins. Ils sont prêts à cote pour avoir quatre cotes. Deux fans de Dick Sock. Tu sais que tu peux pas me fuck, plot. Tu montes ton cul à TQS. Ancien taxi, ma ass, ancien taxi. Yo, excuse-moi de te vexer, mais je te laisserai pas les talks. J'étais assez stressé, le PD. Fais pas semblant que t'es ready. Parce que j'vais te séparer si c'est hot. À part toi qui est dead, ça fait déjà deux minutes que t'es frais. Yo! C'est quoi ça? C'est bitch, go to sleep, man! Vous prenez pourquoi? Les Rangers du risque, fucking bitch! Yo! C'est bitch, fake lyricist! Yo! Mais c'est vrai, man! Vous faites deux beaux écureuils, man! C'est des grugeux noirs, fucking ball suckers! Don't fuck with me, you can't fuck with me, bitch! Yo! Go to sleep, bitch! Fuck that! Gardez une minute de silence, petit brin, à partir de maintenant! Roughneck, BBT Record! I fuck your ass up, bitch. Peace. Peace. Peace.